L'exposition de photos « Le Parti Travail de Corée qui brille sous le nom du soleil » est ouverte le 2 octobre au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang, à l'occasion du 20e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti Travail de Corée. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, des cadres intéressés et des citadins. Ils sont exposés une photo du général Kim Jong-il qui bénit l'avenir radieux de la Corée du Sud avec un large sourire, des photos sur les exploits immortels du général accomplis pour l'édification du parti et sur la noble fidélité du dirigeant suprême Kim Jong-un qui réalise les pensées et la cause du général.